Section 31 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La lecture, tome 6e. Section 31. Turlutten, par Dr. Grégoire. Empiété. Façon de voisiner en Normandie. Escapade. Petit nom d'amitié que l'on donne à toutes les turpitudes, à toutes les infamies du Benjamin. Exorde, l'éclair qui nous menace, d'un discours. Phare, c'est comme la paille, qu'on ne voit que dans l'œil de son prochain. Franchise, un prétexte comme un autre, pour dire aux gens leur vérité. Geôlier, le captif d'un prisonnier. Girouette, grande cocarde, que l'on arbore sur les toits. Grec, un monsieur qui ne joue pas pour s'amuser. Habitude, le sentier de la routine, un escalier qu'on descend, mais qu'on ne remonte pas. Hameau, peu d'habitants, mais qui ne s'en détestent pas moins. Héritage, une table qu'on ne trouve jamais trop grande, mais où l'on trouve toujours qu'il y a trop de convives. Idiot, partie simple, imbécile. Il a gagné un bâton de maréchal, la persévérance. Importun, un créancier, mais surtout un bienfaiteur. Inattendu, tout ce qui nous arrive. Ladrerie, le grand cordon de l'avarice. Laurier, feuille odorante avec laquelle on accommode également un héros ou un lièvre. Maniaque, un mortel privilégié. Il n'a qu'une seule manie. Fin de la section 31.